épisode de l'émission Autour de vous avec Laura sur Radio Gamezo. Bonjour tout le monde, c'est Laura, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous. Dans les studios de RGM aujourd'hui, je suis avec Messa. Bonjour, comment ça va ? Bonjour, ça va très bien. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots à nos auditeurs ? Alors moi je m'appelle Messa Salzman Chouchi, je suis conteuse, auteure, slameuse. Depuis plus de 40 ans, j'ai surtout exercé en Alsace, puisque j'ai fait toute ma carrière en Alsace, mais je suis originaire de Golbey dans les Vosges, donc je suis revenue il y a 3 ans dans les Vosges, mais je suis revenue en pleine pandémie, donc pas évident de se faire un nom quand on n'est pas connu dans les Vosges, quand on arrive en pleine pandémie. Est-ce que vous avez utilisé par exemple Internet ou les réseaux sociaux pour vous faire connaître vos textes, etc. Alors mes textes, je ne les publie pas sur Internet parce qu'ils sont déposés et protégés. Ah oui. Mais par contre, donc, je suis, j'ai une page Facebook, j'ai un site, j'ai vraiment tout le, j'allais dire même, j'ai YouTube aussi où j'interprète quelques comptes. Donc, en fait, j'utilise Internet, mais c'est vrai que mes textes ne sont pas eux publiés sur Internet. Ils sont publiés que sous format livre ou recueil. Mmh. Et c'est vrai que maintenant, avec Internet, est un peu trop accessible sur certains points, c'est que si quelqu'un copie et colle le texte, il peut mettre son nom en dessous et puis voilà. Absolument. Quoi. Depuis quand est-ce que vous faites ça, Messa ? Alors, j'ai commencé à écrire à l'âge de 17 ans. Donc, je peux vous dire que mon premier texte, Détresse, je l'ai écrit le 24 juin 1977, exactement. Et puis, j'ai continué et j'ai publié mon premier livre en 1993. Et ça fait quelque chose, hein, quand on a son propre livre dans les mains, ça. C'est une certaine fierté, je trouve. Au départ, oui, fierté. Ensuite, on s'aperçoit effectivement que moi, j'ai eu la chance de faire des salons du livre, Saint-Louis, Colmar, beaucoup de gros salons. Et en fait, quand les gens l'ont eu en main et qu'ils ont dit « Ah, mais c'est mon histoire », ils s'étaient accaparés mon histoire. Et au début, ça m'a fait drôle. Mais en même temps, après, ça m'a rassurée. Je me suis dit que finalement, ça parlait à tout le monde. Bah, j'ai publié moi-même 3 livres. Mais des fois, j'ai l'impression que nous, notre histoire, quand les gens la lisent, ils l'aperçoivent autrement. C'est normal puisqu'ils se l'approprient. Puisque à partir du moment où vous donnez en pâture vos mots au public, il en fait ce qu'il veut. Et ça, il faut le savoir l'accepter. Est-ce que vous avez suivi une formation pour faire conteuse et slameuse ? Alors, slameuse, non, parce que c'était presque inné. J'ai écrit depuis toujours, j'ai été poète surtout. C'est devenu à la mode de dire slam parce qu'on l'a mis en musique, parce qu'on voilà. Mais en fait, conteuse, par contre, j'ai suivi un assez long cursus, oui, parce que j'ai fait plusieurs formations. Donc, j'ai fait une formation sur 2 ans en Alsace. Et après, j'ai suivi des stages de perfectionnement avec des gens connus comme, par exemple, Djihad Darwish ou Pepito Matteo et autres. J'allais dire pointure du conte pour effectivement on a toujours besoin d'apprendre mais on a surtout besoin de parfaire. Et du coup, vous apprenez quoi ? Vous apprenez à bien avoir une bonne intonation, bien respirer, etc. On apprend absolument tout, en fait. On apprend qu'on se trompe déjà au départ. On apprend qu'on voit mal le conte. On apprend à le découvrir réellement parce qu'en fait, on a une image du conte qui est un petit peu, j'allais dire, surtout moi qui partais de la poésie. La poésie, moi, je la prenais par cœur, c'était mon texte, on n'y touchait pas, je le disais tel qu'il était. Avec le conte, c'est différent, puisque vous allez, et c'était mon erreur d'ailleurs au départ, je craignais par exemple de tronquer les mots ou de changer les mots d'un conteur ou d'un conte, alors qu'en fait, pour être un bon conteur, il faut savoir s'approprier le texte et le modifier si nécessaire. Donc, vous voyez, j'ai appris déjà ça tout au départ. Et c'est vrai que tant qu'on ne sait pas approprier un conte et qu'on ne sait pas approprier les mots-clés d'un conte, on n'est pas un conteur. Mais on disait hors antenne que les ponctuations avaient une grande importance dans les textes, surtout les virgules. C'est pas seulement les virgules, j'allais dire, c'est surtout en fait le temps d'un arrêt, le temps d'une respiration pour donner de la valeur aux mots qui suivent, pour donner leur force aux mots qui suivent. Qu'est-ce que vous racontez comme histoire, vous, Messa ? Alors moi, j'ai de toutes sortes. Je commence donc, en fait, j'ai mon public est à partir de 3 ans, pas en dessous, donc je fais pas les bébés et tout ça. Par contre, à partir de 3 ans et jusqu'à 100 et quelques, puisque je vais raconter des contes pour enfants, des contes pour les plus grands, 7 à 12 ans. Après, j'ai aussi pour les adultes, des contes philosophiques ou des contes traditionnels. Et puis, j'ai des contes coquins. Et ça, mes seniors, ils adorent. Dans les EHPAD, ils m'attendent, les bras ouverts. Mais les enfants, ils adorent qu'on leur lise des histoires. Moi, j'ai un neveu de 2 mois, et on lui raconte une histoire, il aime déjà. Oui, ils ont les yeux écarquillés parce qu'il y a, surtout si vous avez de la mélodie dans la voix, mm-hmm. puisqu'un tout petit va écouter surtout des mots, va écouter surtout une mélodie. Donc en fait, si on y met du ton et si on y met de la mélodie, tout le monde vous écoutera. Et puis après, si on est par exemple avec les plus grands, moi je sais que par exemple à partir de 3 ans et les 7-8 ans, comme je suis un petit peu déjantée, moi je les fais rire, je gesticule, je suis pas la conteuse assise, hein. Je suis pas une raconteuse d'histoire, mm-hmm. je suis pas une liseuse d'histoire. Moi c'est du spectacle vivant, je bouge, je saute, je enfin complètement, oui, voilà, dans le spectacle vivant. Moi j'aime bien dire que je suis une saltimbanque. C'est vrai que j'ai vu quelques publications sur votre page Facebook. Vous faites notamment vos marionnettes vous-même. Absolument, oui. Je fabrique toutes mes marionnettes en recyclé. Mais j'ai pas attendu la mode non plus, là. Ça fait 10 ans que je fais mes marionnettes en recyclé. Au début, quand je me trimballais avec mes bouts de matcha, tout le monde se foutait de moi. Et puis aujourd'hui, c'est rentré dans les modes. Donc oui, je fabrique toutes mes marionnettes en recyclé. Et c'est des marionnettes grandeur nature avec lesquelles je raconte mes histoires. Vous faites les décors aussi, je crois. Absolument. Certains décors. Au départ, j'avais pas commencé à les faire, mais comme je travaillais sur un festival où on fabriquait les décors, etc., puis qu'après j'ai quitté ce festival, il a bien fallu que je continue, donc je fabrique mes décors et c'est pareil, c'est en recyclé. C'est quoi un conte finalement ? C'est une histoire. C'est une mélodie de mots, c'est une suite de mots, c'est une aventure. C'est un sourire et c'est un partage. Et ça se passe en quelle époque en général, les histoires des contes ? Je n'ai pas d'époque. Je n'ai pas de période, j'allais dire de, c'est en fait, c'est un texte que je vais écouter ou que je vais lire, et il va me happer ou pas. Il y a des textes que j'ai rejetés, qui n'ont pas été dans mon, voilà, qui m'ont pas parlé. C'est vraiment le coup de foudre pour un texte, c'est une mélodie, c'est un son, c'est un conteur qui a une voix qui m'appelle, voilà, mais c'est pas, non, il n'y a pas d'époque. Moi, quand j'ai créé mon conte, par exemple, le parapluie avec un chapeau, il n'y a pas une époque, il y a un thème. Et le thème, justement, c'est le paraître par rapport aux enfants, dans les écoles autres, par rapport à tout ce harcèlement et autres qui, bon, moi, j'en parlais déjà il y a 10 ans. C'est le paraître, c'est quelqu'un qui va vous mépriser, qui va vous faire croire qu'il est meilleur que vous, qui va vous faire croire, et puis qui finalement lui-même cache une misère. Est-ce qu'il existe des contes plus ou moins courts? Moi, j'ai des contes qui durent 4 minutes, hein. Pour les petits. Ah oui, mais même pour les plus grands, il y a des contes courts. J'ai toujours un apéro conte. Par exemple, je vais commencer par moi mon conte apéro, c'est celui qui démarre mon spectacle, donc il est très court. Et puis après, il va y avoir un conte un peu plus long. Mais vous avez aussi une règle à respecter, j'allais dire une règle entre guillemets. Les plus jeunes, on peut pas les tenir en haleine pendant plus de 20 minutes. Donc il faut savoir respecter aussi leur temps, leur capacité d'écoute. Et même chez les seniors, on va pas au-delà avec un conte au-delà de 30 minutes parce qu'on les perd. Mmh. On les récupère mais ils ont perdu un peu le fil. Donc c'est pour ça que moi j'ai plutôt un ou deux contes courts que un conte qui va durer une heure. Enfin j'en ai pas des contes d'ailleurs qui durent une heure. Moi j'ai été voir un spectacle où il y avait un conte qui durait une heure et quart, je l'ai perdu au bout de 35 minutes. Aïe. Et ça m'a saoulée et je suis partie. Je crois que c'est important aussi de respecter le public et de respecter sa capacité d'écoute et de les emmener avec soi sur le bateau du conte au lieu de se faire plaisir à soi. On n'est pas là pour se faire plaisir à nous, on est là pour faire plaisir au public, donc il faut le garder en attente, il faut le garder à l'écoute. Alors vous disiez que vous avez publié des livres, mais est-ce que vous envisagez de les faire en livre audio parce que c'est la grande mode en ce moment ? Non, pour l'instant, j'ai pas ce projet-là parce que c'est vrai que moi, pour l'instant, j'ai un spectacle à faire, un spectacle slam. La publication, je sais pas si je vais continuer à publier parce que je me tourne plus vers la scène. Donc, que ce soit pour le conte, puisque mes contes sont des contes spectacles, que ce soit pour le slam ou autre, je me tourne plus vers la scène, vers la rencontre avec le public, que plutôt le, j'ai fait beaucoup de salons du livre par le passé, etc., que j'ai arrêté parce que j'ai envie du contact direct, j'ai envie de me produire plutôt. Et qu'est-ce qui vous plaît le plus quand vous êtes sur scène? C'est de voir des gens à l'écoute, des gens heureux, des gens qui sourient. Ou des gens qui se regardent, en fait, des fois, quand je raconte des choses un peu surprenantes, je les vois qui se regardent, mais qui se demandent si je suis nette ou pas. Et puis, en fait, ils me suivent sur ce bateau. Et souvent, ils viennent me voir en me disant, mais vous êtes comme ça dans la vie aussi. Vous voyez? Donc, en fait, ils ont une forme de questionnement qui est assez extraordinaire. Et il y a une chose qui me plaît énormément et qui revient, mais honnêtement, très souvent, c'est « Ah, oh, je suis contente d'avoir entendu ça, vous m'avez réconciliée avec le conte » ou, vous voyez, souvent, par exemple, les gens, parce que rire pendant un conte ou être surpris pendant un conte, ça leur paraît incroyable, alors qu'ils ont plutôt l'habitude d'écouter, d'être statiques. Et moi, par contre, je vais dans le public, par exemple, parce que moi, j'interviens aussi avec le public, c'est interactif. Et par exemple, je veux dire, j'ai une histoire avec un loup et un escargot, le loup, il va vérifier dans le public si le public, il n'est pas complice de l'escargot. Il se méfie, le loup, vous voyez. Et donc, en fait, c'est interactif en plus. Donc, le public, il attend que ça, en fait. Est-ce qu'il y a une morale dans les contes ou pas? Parce que des fois, il y a des textes où il y a souvent des morales. Moi, dans mes contes, il y a très souvent une morale, mais elle n'est pas lourde, j'allais dire, entre guillemets, comme on l'entend dans la morale. C'est une suggestion. C'est voilà. Après, vous en faites ce que vous voulez. Il y en a qui sont plus voyantes que d'autres, mais souvent, par exemple, surtout pour les adultes, c'est plutôt des suggestions. Subtil, la subtilité des... Voilà, absolument. Alors, j'ai lu via votre site internet que vous proposez des ateliers. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Alors, je propose donc la formation conte, déjà. Donc, je suis formatrice au conte. Et là aussi, j'ai suivi une formation pour être formatrice. Donc, je forme les gens au conte, que ce soit les éducateurs, les animateurs, les ATSEM, tous ces publics qui entourent des enfants, les bénévoles de bibliothèque. En Alsace, j'ai même formé le groupe Lire et Faire Lire, pour leur apprendre justement à mieux lire leurs textes, à mieux, etc. J'anime des ateliers d'écriture aussi, des ateliers mémoire pour les seniors. Donc ça, c'est des ateliers où, parce que je crée aussi des jeux, donc en recyclé aussi. Et donc les seniors vont faire travailler leur mémoire en s'amusant autour du jeu. J'anime des ateliers d'écriture aussi au lycée ou au collège. Quand on m'appelle, on l'a fait à Bruyère, par exemple, il n'y a pas très longtemps, un atelier d'écriture slam, et ils se sont produits devant leurs parents, etc. Et puis voilà, donc en fait, j'anime des ateliers là où on m'appelle pour en animer. Et dans certaines interventions que vous avez faites, est-ce qu'il y a un texte qui vous aurait touché? Il y en a eu plusieurs. Il y a eu surtout un jour dans un collège, un enfant qui me dit « Mais madame, j'aime pas écrire, je suis obligée de venir à l'atelier d'écriture, mais j'aime pas écrire. » Et alors je lui ai dit « Bah alors justement, t'es pas obligée d'écrire, dis-nous, qu'est-ce qui te gêne dans l'écriture ?» Et là il nous a sorti des mots, mais à la volée. J'ai dit « Bah tu vois, tu viens de faire un poème. » Et il était magnifique. Du coup, il a été tellement surpris qu'après il a été l'écrire et puis il a participé à l'exposition. Mais c'était un cri de révolte contre l'obligation d'être bon quand on écrit immédiatement, d'être dans le bon ton, d'être sans faute, d'être etc. Et c'est ça qui le bloquait. Et quand je lui ai dit qu'il pouvait l'écrire même avec des fautes, même avec des erreurs, et que on s'en fiche, que ce qu'on voulait c'était ses mots à lui, eh ben il nous a sorti un très beau texte. Effectivement, après on a corrigé deux ou trois petites erreurs avant de l'exposer, mais il a été magnifique et tout le monde l'a lu et tout le monde a été en admiration, mais tout le monde surtout a entendu son cri. À savoir qu'il n'y a jamais de perfection, on fait tous plus ou moins de fautes quand on écrit. Oh bah écoutez, si vous lisiez mon premier recueil que j'ai publié en 93, je peux vous dire que vous en trouveriez des fautes. Bah je vous remercie d'avoir corrigé les miennes via le texte que je vous ai transmis, parce que c'est vrai que quand j'écris, moi je me pose certaines questions, mais je ne vérifie pas forcément après, quoi. Ce qui est important en fait, c'est de le lire à voix haute devant quelqu'un. Et c'est là que vous entendez et que l'autre entend. Ce qui ne va pas ou ce qui pourrait être amélioré. Mais vous disiez tout à l'heure que je vous ai corrigé. Je pense que si quelqu'un d'autre passait encore derrière moi, il vous proposerait peut-être de corrections de mes corrections. Ah, donc oui. On n'est jamais à l'abri d'une correction. Tout dépend de la sensibilité de la personne qui lit finalement. Absolument. La sensibilité, l'interprétation, tout est sujet à interprétation et à sensibilité. Nous allons faire une première pause musicale avec un son que vous avez choisi avant de parler d'une autre de vos activités, à savoir le slam. Donc on vous laisse avec Grand Corps Malade. À tout de suite sur Radio Gémozo. On a trempé notre plume dans notre envie de changer de vision, de prendre une route parallèle comme une furtive évasion. On a trempé notre plume et est-ce vraiment une hérésie de se dire qu'on l'assume et qu'on écrit de la poésie. Il existe, paraît-il, un instant dans l'écriture qui oublie la page blanche et efface les ratures. un véritable état second, une espèce de transe qui apparaît mystérieusement et s'envole en silence. Que l'on rappe ou que l'on slame, on recherche ce moment. Il allume une flamme qui nous éclaire brièvement. Cette flamme est la preuve, laisse-moi t'en faire une démo, qu'il est possible de combattre le mal par les mots. C'est tout sauf une légende, on espère juste toucher l'instant, les quelques secondes du poète qui échappe à l'espace-temps, les moments rares et irréels que la quiétude inonde. Rouda n'oublie jamais notre parole du bout du monde. On ressent comme une coupure dans la nuit, comme un rêve. On oublie les coups durs de la vie, comme une trêve. C'est un phénomène puissant, je ne te parle pas d'inspiration, mais d'un souffle plus profond comme une seconde respiration. On voit et on entend l'encre devenir vivante. On goûte et on sent la saveur d'une rime errante. On touche du doigt l'instant qui nous enveloppe de sa puissance. C'est sans cesse la renaissance de l'essence même de nos cinq sens. C'est le moment où on passe de l'autre côté des paysages. On sympathise avec le vent et on tutoie les nuages. Il fait jour en pleine nuit et il fait nuit en plein jour. Profite de cet instant, il ne durera pas toujours. C'est tout sauf une légende, on espère juste toucher l'instant, les quelques secondes du poète qui échappe à l'espace-temps, le moment où le voile se lève et la magie s'élance, là où j'ai croisé Souleymane au bout du sixième silence. Si on n'a pas atteint le nirvana, on doit en être au seuil. Pourtant je suis simplement assis là devant ma feuille. Peut-être que cet instant n'existe que dans mon esprit, et que je suis complètement mythomane lorsque j'écris. Mais laisse-moi mon stylo, y a pas moyen que je m'arrête. J'ai une envie d'écrire comme t'as une envie de cigarette. Et pour m'enlever ce désir, je te demanderai de repasser. Car tant que je pourrai écrire, je continuerai de penser. Que c'est tout sauf une légende, on espère juste toucher l'instant. Les quelques secondes du poète qui échappe à l'espace-temps. Les moments que l'on redécouvre, que l'on connaît plus ou moins. Tu l'as déjà touché, Jackie. J'en suis témoin. On a trempé notre plume dans notre envie de changer de vision. Prendre une route parallèle comme une furtive évasion. On a trempé notre plume et est-ce vraiment une hérésie de se dire qu'on l'assume et qu'on écrit de la poésie? Nous sommes de retour sur les ondes de RGM avec Messa. Alors j'ai vu sur votre site qu'il y a la phrase suivante. J'écris et fais écrire, je lis et fais lire, je parle et fais parler. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça? En fait, tout simplement, j'écris. C'est que je suis auteur, je fais écrire parce que j'anime des ateliers, je lis. Ben oui, parce que je lis beaucoup. Je suis une grande, enfin surtout avant. Maintenant, je me suis un peu calmée, mais je lisais énormément puisque j'intervenais en milieu scolaire et je faisais lire des romans à tous les enfants que je croisais pour qui rencontrent après les auteurs. Et puis je parle. Ben oui, je parle parce que je m'exprime, parce que je dis, parce que je slame, parce que je poétise, parce que je raconte des histoires et je fais parler parce que je fais réagir. Mmh. Mais j'aide aussi les gens à trouver les mots, donc je les fais parler, en fait, puisque c'est la maïeutique, l'art de faire accoucher les esprits, c'est-à-dire que des gens qui n'arrivent pas à trouver les mots pour s'exprimer eux-mêmes viennent me voir et je vais les aider à trouver les mots pour dire ou transmettre des messages, mais toujours de manière positive. C'est-à-dire que je ne refuse tout écrit velléitaire ou agressif. C'est toujours des formules douces, même pour faire des reproches, on peut dire les choses joliment et doucement. Est-ce que vous avez des poètes qui vous ont influencé, qui vous ont donné envie de faire de la poésie vous-même ou du slam? J'ai eu Paul Éluard, moi, beaucoup. J'ai beaucoup aimé les poésies de Paul Éluard. Et puis, c'est vrai qu'il y en avait surtout un, mais je ne le connais pas par cœur, mais cette tasse de café c'est extraordinaire parce que c'est quelque chose que j'ai totalement... En lisant le texte, j'ai imaginé la scène, cet homme devant sa tasse de café tout seul. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup inspiré. Après, c'est vrai que quand j'ai commencé à écrire, Grand Corps Malade n'était pas né. Mais par contre, j'ai découvert dans les années 95 une histoire, en fait, quelqu'un qui avait créé des ateliers slam, justement, parce qu'il avait été révolté par le fait que la poésie était réservée à une certaine élite et qu'on s'invitait entre gens de la bonne société et qui avait créé lui-même ses cafés littéraires pour populariser l'écriture. Et ça, c'est quelque chose que j'ai souhaité aussi, populariser l'écriture. Quand j'interviens en collège ou n'importe où, je montre aux gens qu'avec des mots simples, on peut dire de belles choses et être compris. Mais j'ai fait aussi, par exemple, j'allais dire des concours d'écriture ou autres, que d'ailleurs il y en a un que j'avais remporté, le Grand Prix de Paris, mais il y a très longtemps, avec des phrases très très ampoulées, se mettre en ire, en rage, se braque, balayer, voir, se cadencer. Je sais le faire aussi, mais ça m'intéresse pas du tout. Voilà. Mm-hmm. Et donc en fait, j'ai souhaité montrer les deux possibilités. Vous voyez, j'ai fait un concours et je l'ai gagné, et c'était un concours ampoulé. J'en veux pas. Moi, ce que je veux, c'est que vous me compreniez et que vous me suiviez dans ma démarche. Donc, c'est important, ça, pour moi. Que vous savez, quand vous intervenez dans un collège ou dans un lycée, les élèves, ils ont en face d'eux un artiste. Ils ont toujours l'impression que c'est une personne qui est pas comme eux, qui vient pas du même univers qu'eux. Et là, moi, je leur explique justement que je viens totalement du même univers qu'eux, que moi, j'ai pas été à l'école assez longtemps pour pouvoir faire de hautes études, etc., que moi, j'ai dû réapprendre à écrire correctement le français à 40 ans, que j'ai dû retourner à l'école, que j'ai dû prendre des cours pour ne plus faire de fautes, etc. Et là, quelque part, vous accrochez le public, parce que vous lui ressemblez. Est-ce que le slam, c'est un dérivé de la poésie? C'est un peu plus libre, non? C'est la même chose. C'est simplement, ça s'appelle pas pareil, c'est tout. Le slam, c'est de la poésie. C'est simplement que on peut le mettre en musique ou pas. On déclame, en fait. C'est tout simplement, slammer, ça veut dire claquer les mots. Tout simplement. C'est de la poésie, le slam. On lui a trouvé un mot plus moderne, on l'adapte à notre société. Tout simplement. Mais le slam, c'est de la poésie. Vous me disiez, hors antenne, qu'il y avait par exemple pas de nombre de pieds comme ça à respecter, comme la poésie. Alors, la poésie libre. Moi, je parle bien sûr dans mon slam, dans la poésie libre. On n'a pas de, on fait un peu entre guillemets ce qu'on veut. Mais il y a la poésie classique, il y a la poésie. Vous avez les comment ça s'appelle les l'anaphore, l'allitération, c'est le rythme des mots ou des sons. Vous avez aussi des poésies qui respectent le nombre de pieds, les quatrains, etc. Mais ça, c'est l'écriture de ceux qui aiment ça, qui sont passionnés par ça et qui ont un attachement à ce genre d'exigence. Moi, je n'ai pas cette exigence-là. Mon exigence à moi, c'est de partager les mots avec un public qui me comprend et qui me suit. Mais je reste quand même dans la mélodie, je reste quand même dans l'allitération, je reste quand même dans l'anaphore, puisque je pratique beaucoup l'anaphore et l'allitération, mais je n'ai pas la prétention de compter les pieds, etc., pour répondre à d'autres critères. L'anaphore et l'allitération me suffisent. Ouais, parce que le nombre de pieds à respecter, c'est pas facile. C'est un exercice. Très, très, très dur exercice. J'ai déjà essayé. J'ai jamais réussi à écrire un texte avec le même nombre de pieds. Oui, c'est un exercice fastidieux. Alors, j'imagine que comme le conte, il faut respecter les intonations et jouer avec le volume de la voix, etc. Ah, ça, c'est très important. Par contre, là, vous touchez à un point sensible auquel je suis très attachée. C'est que je conte ou que je slame, je veux que ce soit vivant. Quand vous avez quelqu'un qui dit un texte, qui lit, qui est figé, vous allez à un moment donné le lâcher. Vous allez à un moment donné finir par perdre le fil. Et là, quand vous avez quelqu'un qui va vous donner des mots, qui va vous donner du sens, qui va vous donner du ton, qui va vous donner de la vie, qui va faire vivre son texte, vous ne pouvez que le suivre et voyager avec lui. Donc, il est important de faire vivre le texte. Les virgules, les points, ce n'est que pour donner du ton au texte, donner vie au texte. Voilà. Et ça, c'est important. Un texte qui est vécu, c'est un beau texte déjà. Et la différence au niveau de l'intonation entre un point ou un point d'exclamation, c'est quoi? Ça donne quoi au niveau de l'intonation? Il n'y a pas forcément de... C'est simplement une manière d'aborder le mot. Je vais m'arrêter. Bonjour. J'ai marqué un temps d'arrêt avec un point. Bonjour. Je voudrais. Vous entendez le souffle? Je continue. Je me suis pas arrêtée totalement. Je vous invite juste à respirer. Voilà. Et donc, c'est important. Il y a juste un peu, une respiration différente, plutôt. Moi, dans certains de mes textes, j'aime beaucoup utiliser ces trois petits points à la fin de la phrase. Mais je sais pas comment on pourrait mettre ça en lecture. Est-ce que c'est des petits points qui montent ou des petits points qui descendent? Je sais pas. Dans la lecture, comme ça, je peux pas dire, parce que je m'en relis jamais. C'est voilà. Ça, c'est important, parce que moi, même les points de suspension, ils vont soit vers le haut pour marquer quelque chose qui arrive, ou alors vers le bas. Et là, c'est quelque chose qui se passe, qui est peut-être plus triste ou plus discret. Vous voyez? Et vous entendez un peu maintenant, comme quand je vous l'explique, vous avez, ah! et je monte le ton. Mes points de suspension, ils vont vers le haut. Ils sont optimistes. Ils attendent quelque chose en plus. Alors que les points de suspension, ils vont cacher quelque chose. Ceux qui descendent vers le bas, c'est qu'il va se passer quelque chose. Ou alors on a une crainte, ou alors on a une peur. Mm-hmm. Et mais la peur qui descend. Et puis il y a la peur qui monte. Attention, là-haut, voilà. Vous voyez, vous entendez? Voilà. Mm-hmm. En fait, il faut faire vivre. Et même les points de suspension, ils ont une vie. Ils montent ou ils descendent. D'accord. Quel genre de spectacle est-ce que vous organisez en tant que slameuse? Alors, je propose mon spectacle qui s'intitule « La magie des mots ». C'est un spectacle qui est un récit de vie, qui commence par le premier texte que j'ai écrit en 1977, « Détresse », et qui finit par « Exister » ou « Le bonheur ». Donc, on voit le cheminement de quelqu'un qui a vécu grâce à l'écriture, que l'écriture a sauvé et qui a montré qu'on peut rester positif dans la vie, quels que soient les événements, à condition d'avoir un peu un endroit où se réfugier. Moi, je me suis réfugiée dans l'écriture, et l'écriture a été ma bouée. L'écriture a été ma bouée, mais je vais vers le positif. C'est pas un larmoiement, c'est pas du tout un témoignage triste, c'est au contraire un témoignage d'un parcours peut-être un peu chaotique, mais qui a permis de s'élever dans cette société et de faire ce que j'aime. Mm-hmm. J'ai vécu de mon métier. Je vis de mon métier. C'est pas donné à tout le monde, mais c'est grâce à l'écriture que je suis là aujourd'hui. Et c'est grâce à l'écriture que je suis encore de ce monde. C'est un très bel exutoire, que ce soit l'écriture ou la lecture, c'est... Absolument. Et le partage avec le public, c'est le complément. Où est-ce que vous intervenez pour faire votre spectacle? Alors, je serai le 17, vendredi 17 à 18h15, je serai au Centre culturel d'Épinal, où je suis invitée par l'association Pigmentée, donc une association spinalienne qui regroupe tous les artistes de toutes les expressions. Mmh. Et qui organisent des expositions, des rencontres. Et là, ils organisent dans le cadre du printemps des poètes, ils organisent une soirée apéro slam dont je suis l'invitée. Apéro slam, pourquoi? Parce que on va s'offrir après le spectacle un débat, et après le débat un apéritif que l'on va partager, un apéro surprise. D'accord. C'est de là qu'on a appelé notre soirée un apéro slam. Super, on en parlera juste après ces deux pauses musicales. Donc on vous laisse avec Grégoire et Renaud et on se retrouvera juste après sur le 107. Tu sais que j'ai du mal encore à parler de toi. Il paraît que c'est normal, y a pas de règles dans ces jeux-là. Tu sais, j'ai la voix qui se serre quand je te croise dans les photos. Tu sais, j'ai le cœur qui se perd. Je crois qu'il te pense un peu trop. C'est comme ça, c'est comme ça. Je vais aimer tenir ta main un peu plus longtemps. Ne dure qu'un instant. Et tu sais, j'espère au moins que tu m'entends. C'est dur de briser le silence, même dans les cris, même dans la fête. C'est dur de combattre l'absence, car cette conne n'en fait qu'à sa tête. Et personne ne peut comprendre. On a chacun sa propre histoire. On m'a dit qu'il fallait attendre que la peine devienne dérisoire. C'est comme ça, c'est comme ça. J'aurais aimé tenir ta main un peu plus longtemps. J'aurais aimé tenir ta main un peu plus longtemps. Et tu sais, j'espère au moins que tu m'entends. j'étais fier d'avoir été au moins un jour un peu ton ami et ton frère. Même si la vie a ses détours, c'est comme ça. C'est comme ça. J'aurais aimé tenir ta main un peu plus longtemps. J'aurais aimé tenir ta main un peu plus longtemps. J'aurais aimé que mon chagrin ne dure qu'un instant. Mais tu sais, j'espère au moins que tu m'attends. Chez toi, il y a des larmes plein ta bière. Le bistrot va fermer, puis tu gonfles la tôlière. Je croyais qu'un mec en cuir, ça pouvait pas chialer. Je pensais même que souffrir, ça pouvait pas t'arriver. J'oubliais que tes tatouages et ta lame de couteau, c'est surtout un blindage pour ton cœur d'artichaut. Et déconne pas, Manu, va pas te tailler les veines. Une gonzesse de perdu, c'est les copains qui reviennent. On était tous maqués quand toi t'étais tout seul. Tu disais je me fais chier, je voudrais sauver ma gueule. T'as croisé cette nana qui était faite pour personne. T'as dit elle est pour moi ou alors y'a mal donne. T'as été un peu vite pour tatouer son prénom à l'endroit où palpite ton grand cœur de grand con. Elle déconne pas Manu, c'est à moi que tu fais de la peine. Une gonzesse de perdu, c'est les copains qui reviennent. On est des loups, on est fait pour vivre en bande, mais surtout pas en couple, ou alors pas longtemps. Nous autres ça fait un bail qu'on a largué nos petites. Toi t'es toujours en rade avec la tienne et tu flippes. Et Manu, vivre libre, c'est souvent vivre seul. Ça fait peut-être mal au bide, mais c'est bon pour la gueule. Et déconne pas Manu, ça sert à rien la haine. Une gonzesse de perdu, c'est les copains qui reviennent. Plus amoureuse, Manu, faut que tu t'arraches. Elle peut pas être heureuse dans les bras d'un apache. Quand tu lui dis je t'aime, si elle te demande du feu, si elle a la migraine décalée dans ton pieu, dis-lui que t'es désolé, que t'as dû te gourer trop toi. Quand tu l'as rencontrée, t'as dû te tromper d'histoire. Elle déconne pas Manu, va pas te tailler les veines. Une gonzesse de perdu, c'est les copains qui reviennent. Elle déconne pas Manu, ça sert à rien la haine. Gonzesse de perdu, c'est les copains qui reviennent. Elle déconne pas Manu, c'est à moi que tu fais de la peine. Une gonzesse de perdu, c'est les copains qui reviennent. Elle déconne pas Manu, déconne pas. Nous sommes de retour sur les ondes de RGM avec Messa. Merci aux auditeurs qui sont avec nous depuis le début de l'émission. Et merci à celles et ceux qui viennent de nous rejoindre via le 107, notre site internet, Radioline ou par l'application mobile Les Radios Associatives. On disait hors antenne, Messa, que la musique c'était aussi un exutoire. C'est quelque chose qui vous permet un petit peu de vous échapper aussi, qui vous permet aussi de, ben justement, de mettre les mots en musique. Alors du coup c'est un outil de plus, j'allais dire, c'est un outil supplémentaire, c'est une richesse supplémentaire. Et puis écouter de la musique, ça nous permet de nous échapper, de nous échapper de ce monde parfois quand il est un peu complexe. Hop, c'est comme du yoga, vous savez, c'est comme de la, comment ça s'appelle là, quand on fait de la méditation. La musique c'est une forme de méditation aussi. Et peut-être même que pour le chanteur aussi, c'est quelque chose qui lui fait du bien. Parce que quand Renaud a écrit « Putain de camion » en hommage à Coluche, peut-être que ça lui a fait du bien d'écrire ça et de chanter ça pour son ami. Il a évacué, ben, comme nous tous, dans l'écriture, il a évacué sa colère, son ressenti, ses émotions. Donc, et en plus, lui, il a la possibilité de le mettre en musique, ce qui n'est pas négligeable. Il a un énorme talent, Renaud. Il a écrit de très très beaux textes. Pourquoi avoir choisi Grand Corps Malade, Renaud et Grégoire ? Alors, Grand Corps Malade, pour moi, c'est un exemple. J'allais dire, moi qui slame, j'écrivais avant qu'il naisse ce jeune homme, mais lui, il a su nous faire partager la poésie de manière différente. Il a su la faire vivre sur scène. Grégoire, lui, c'est plus personnel, j'allais dire. Ce texte-là, c'est un hommage à mon frère qui est aussi décédé et que je garde toujours dans mon cœur. Et puis après, il y a un Renaud. Renaud, lui, c'est pareil que Grand Corps Malade. Je trouve qu'ils ont une plume, qu'ils ont une façon de nous emporter dans leur texte, dans leur manière de le dire, qui est extraordinaire. Et c'est vrai que c'est deux personnes que j'admire énormément. Après, Renaud a un langage plus familier, mais j'ai l'impression que les gens, ça les attire plus, finalement. Je ne sais pas ce que vous appelez langage plus familier. Moi, je trouve que Grand Corps Malade a un langage très populaire. Mmh. Et que si vous écoutez certains de ses textes, ils sont aussi un peu familiers parfois avec certains, surtout dans les duos. Et Renaud, je pense que c'est la même chose. C'est un auteur populaire qui parle aux gens comme on parle dans la vie. Mmh. Et je pense que c'est important pour les gens de se reconnaître et de se retrouver et non pas d'avoir à ouvrir un dictionnaire à chaque fois qu'ils écoutent quelqu'un parler. C'est vrai. Alors du coup, on va se repencher sur un événement dont vous vouliez nous parler, à savoir un événement qui va se passer à partir du 17 mars. Qu'est-ce qui va se passer ? Alors le 17 mars, donc on a une soirée qui rentre dans le cadre du printemps des mots. Donc on a là ensuite, après il y a une autre session, je ne sais plus comment elle s'appelle, elle m'échappe, mais en fait c'est la période de l'écriture, hein. Donc le mois de mars et début avril sont des périodes liées à l'écriture et à la lecture. Et donc là, dans le cadre du printemps des poètes, on organise une soirée avec l'association Pigmentée, une association donc spinalienne qui regroupe tous les artistes de tous les corps de métier, j'allais dire, toutes les expressions artistiques, peintres, sculpteurs, moi j'en fais partie, et moi j'écris, et qui donc propose des manifestations tout au long de l'année. D'ailleurs, on se retrouve en juillet-août sur la place des Vosges le samedi pour des rencontres avec le public. Et là, donc, vendredi 17 mars, on se retrouve au Centre culturel d'Épinal à partir de 18h15 pour une soirée apéro slam, où dont je suis l'invitée. Donc, Pigmentée m'a fait l'honneur de m'inviter à cette soirée pour interpréter des extraits de mon spectacle « La magie des mots ». Donc, je vais interpréter des slams. Un parcours de vie positif, je tiens à le dire. Ensuite, on invitera le public au débat pour savoir s'il y a des gens qui ont des questions par rapport à l'écriture, justement, ou par rapport à mes textes. Et puis après, on les invitera à un apéro surprise. Est-ce que c'est la première fois que vous participez à ce genre de manifestation ou pas ? Oh, pas du tout. Je l'ai fait beaucoup, beaucoup en Alsace. C'est vrai que je suis dans les Vosges que depuis trois ans, mais j'ai fait toute ma carrière en Alsace et j'ai fait énormément de spectacles en Alsace. Est-ce que c'est la première fois que vous allez vous associer avec Pigmentée ou pas ? Ben pour le slam, oui, mais je travaille déjà avec Pigmentée sur d'autres projets comme les expositions, comme les Noëls aussi. On a le chapiteau cristal à Saint-Nicolas et Noël. On a les journées des artistes en juillet-août. Et là, au début juin, on a les ateliers ouverts du Grand Est où Pigmentée a repris atelier ouvert. Des artistes vosgiens, mmh. Où tous les Vosgiens ouvrent leurs ateliers au public, les 2, 3 et 4 juin. Tout à l'heure, vous parliez du Printemps des Poètes. C'est quoi ? C'est un concours de poésie ? Pas seulement. Le Printemps des Poètes, c'est une période, justement, ouverte aux mots, aux poètes, au niveau national et au niveau régional ou local, où on est invité à mettre en place des manifestations autour des mots. Et là, au mois de mars, c'est les poètes, mais au mois d'avril, c'est l'écriture dans toute sa splendeur, etc. Il y a des périodes différentes, en fait. Et le printemps des poètes, c'est comme toutes les périodes, je veux dire, comme toutes les fêtes, on a mis un mot dessus, on a mis un nom dessus pour pouvoir le mettre en place. Mais on a aussi le printemps de l'écriture, on a aussi des tas de thèmes qui se superposent ou qui se suivent jusqu'à la fin de l'été. Comment est-ce qu'on peut réserver pour participer à l'apéro slam ? Alors, on réserve au numéro 06 51 16 34 97. Vous aurez quelqu'un de l'association Pigmentée qui vous accueillera au téléphone. Quels sont vos futurs projets après cette manifestation ? Alors il y a l'été des artistes, il y a aussi les ateliers ouverts. Donc début juin il y a les ateliers ouverts. Il y a aussi la semaine du paysage avec Saint-Dié, la Comcom de Saint-Dié, donc où je serai Saint-Dié et Gérardmer. Je serai à la médiathèque de Gérardmer. Je serai à l'école de Grange. Il y a beaucoup de choses qui se profilent pour l'été. Il y a aussi le festival là-haut sur la colline début juillet. Mais tout ça vous le retrouvez en suivant mon site ou ma page Facebook, tout est mis à jour régulièrement. Et justement, comment est-ce qu'on peut vous rejoindre sur les réseaux sociaux ? Alors, j'ai une page Facebook, donc il suffit de toute façon de taper sur Google Messa Salzmann et on me trouve. Donc, j'ai une page Facebook, j'ai un site, pareil, messa.salzmann et on me trouve. Et puis, j'ai aussi une chaîne YouTube Messa Salzmann. Vous tapez sur Google Messa Salzmann et vous me trouvez. Que vous pourriez me faire un petit honneur de nous lire un petit extrait d'un de vos textes, bien là maintenant. Bien sûr. Merci. Au choix, lequel ? Un thème, quelque chose Peu importe. Une devinette poétique ? Comme vous voulez, on prend tout. Devinez de qui ou de quoi je parle. C'est une femme sans phare, c'est une femme sans apprêt, c'est une femme sans attrait. Elle se fond dans la foule, sans être vue, passant inaperçue. Elle n'a rien en apparence, elle n'a rien en puissance. Sa richesse est dans son cœur, sa force dans son âme. Sans haine, sans tâche, sans envie, sans regret. Dans son regard immense, on aurait pu tout voir. Mais dans sa grande sagesse, elle a caché son regard. C'est une femme immense qui camoufle sa puissance, protège ses secrets pour son indépendance. C'est une femme sans phare, c'est une femme sans apprêt, c'est une femme sans attrait. J'ignore son prénom. Moi, je l'ai baptisée Liberté. Magnifique, merci pour ce partage. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite, Messa ? Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter pour la suite ? Peut-être une écoute et une ouverture et une découverte que chacun cherche à entendre et à découvrir ce que je fais. Parce que c'est vrai que comme j'étais connue en Alsace, mais je ne suis pas dans les Vosges, j'ai encore besoin de me faire connaître et de me faire entendre. Et j'espère que le public sera là pour ça. Ah, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Alors cette émission est maintenant terminée, Messa, merci d'avoir été avec nous. Merci de m'avoir invité. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie, que vous reviendrez nous voir. Absolument, et quand vous voulez. Super. Alors j'espère également que de nombreuses personnes viendront participer à l'Apéro Slam qui se déroulera, rappelons-le, le vendredi 17 mars à partir de 18h15 au Centre culturel d'Épinal. Quant à nous, auditeurs et auditrices de RGM, on se retrouvera très prochainement pour une nouvelle émission d'Autour de vous. En attendant, prenez soin de vous, c'était Laura. Bye tout le monde.